Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La terreur de la vie au goulag est d'une cruauté telle qu'on croirait à une légende. 20 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, tous déportés, pensez donc. Comment cela serait-il possible? 4 millions de morts entre 1929 et 1954, c'est tellement gros, tellement loin de nous qu'on peine à se le représenter. Car dans la Russie stalinienne, on partait au goulag pour un rien, sans plus de motif que dans un roman de Kafka. Alors que dans les sondages, on voit que la mémoire des atrocités du XXe siècle tend à se dissiper, nous avons voulu revenir cette semaine sur deux grands écrivains, témoins de cet indicible. Cette semaine, nous l'avons donc entamée par l'évocation de l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn. Lundi, Bertrand Leménien nous a raconté sa vie. Et puis mardi, c'est de son œuvre dont il a été question avec Georges Niva. Une semaine que nous poursuivons donc depuis mercredi. Mercredi, c'était l'évocation de cet autre grand auteur des camps, qu'est Varlam Chalamov, dont nous avons donc commencé par retracer la biographie avec Sophie Bénèche. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour décrire davantage la littérature de Chalamov, nous sommes avec vous, Claude Mouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur, professeur émérite à Paris 8, vous avez été rédacteur en chef adjoint de la revue Poésie, et vous êtes poète vous-même. En 2007, aux éditions Laurence Tepper, vous avez publié aussi l'ouvrage intitulé « Qui, si je criais ?», œuvre témoignage dans les tourmentes du XXe siècle, où vous consacrez plusieurs textes à Varlam Chalamov. C'est donc des écrits de Chalamov dont nous parlons aujourd'hui avec vous. À quel moment ces écrits ont-ils commencé à apparaître, Claude Mouchard? Parce qu'on imagine qu'en Union soviétique, ils ont été d'abord impubliables. Bien entendu. Écoutez, je ne me souviens pas, j'ai pas recherché la date à laquelle a été publiée la première traduction par Catherine Fournier. C'était chez Maspero. Il y a eu trois volumes, mais le premier volume, je crois que c'est au début des années 80. C'est ça, j'ai pas recherché ça. Bon, vous savez, j'ai lu ça, je pourrais dire par hasard, c'est-à-dire sur une table de librairie, et j'ai été absolument captivé. Et voilà, je me suis mis à lire Chalamov dès que ça a été possible. Donc ça a d'abord débuté en France et en Angleterre, la connaissance dans le monde finalement de ces écrits-là. Je le crois, oui. Mmh. Oui. Et alors, pendant des années, on va publier comme ça un petit peu des fragments. Il faut signaler quand même que les éditions Verdier ont tout rassemblé. Oui. C'était en 2003, 1500 pages des récits de la Colima. Puis il y a d'autres livres de Chalamov qu'on peut signaler. Ah oui. La quatrième Vologda, oui. L'anti-roman Vichera et aussi oui. Le recueil d'essais Tout ou Rien, dans lequel là, Chalamov parle de son métier d'écrire. Ça a dû vous intéresser en particulier. Il y a aussi les cahiers de la Colima, vous voyez, chez Maurice Nadeau, par exemple, entre autres. Hein, il y en a d'autres encore. Oui, maintenant il y a une bibliothèque, on pourrait dire presque. Un bel ensemble en tout cas de traductions de Chalamov, oui. Alors on va parler justement de ce métier d'écrire avec vous aujourd'hui, Claude Mouchard. Il faut dire d'abord que Chalamov, par rapport à d'autres victimes de la terreur concentrationnaire auxquelles vous vous êtes intéressé dans « Qui si je criais ?», lui, il n'a pas découvert l'écriture pour répondre directement à l'exigence de témoigner. C'est une préexistence chez lui de la volonté d'être écrivain qu'il faut signaler. Et, oui, vous avez absolument raison. Il le dit, il insiste dans certains de ses textes autobiographiques ou des textes où il réfléchit sur sa position d'écrivain. Il y en a beaucoup de ces textes qui sont très impressionnants, même s'ils sont surprenants, quelquefois difficiles à synthétiser parce qu'on a l'impression que d'un texte à l'autre, il peut varier vraiment dans ses affirmations, souvent extrêmement on pourrait dire brut. Il y a quelque chose de brut dans ses, alors que même c'est dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de. Mais c'était un écrivain. Vous avez absolument raison. Il n'est pas devenu écrivain pour témoigner. Il était écrivain et poète et prosateur, mais poète. Il insiste beaucoup sur l'importance de la poésie pour lui. Et maintenir cette possibilité d'écrire dès que ça deviendra possible, y compris au camp, par exemple quand il est infirmier, où les conditions sont moins atroces, c'est pour lui vital, véritablement. C'est sûr, on peut dire que l'écriture et la vie, pour lui, ça va ensemble. J'étais certain que le destin avait voulu que je dise mon mot, justement dans la littérature, dans la prose artistique et dans la poésie, voilà. Disait-il lui-même. Prose artistique, c'est aussi un mot qu'on peut trouver curieux, mais c'est bien ça. Ouais. C'est d'ailleurs même tout l'enjeu, finalement, de la compréhension de Varlam Shalamov. On va en parler dans cette émission avec vous, Claude Mouchard. Donc en 1929, il est arrêté pour la première fois. On l'a déjà vu hier avec Sophie Bénèche. Et là, il se voulait déjà écrivain, alors qu'il avait moins de 22 ans. Évidemment, les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait imaginé, puisque pendant 3 ans, il est emprisonné. Et dès qu'il sort, il va, là, pour le coup, chercher à réaliser cette ambition d'écrire. Oui, c'est encore une fois, ça, même si à un certain moment les textes le montrent, à un certain moment il est incapable de, quand il est à la Colima, il est incapable même de songer à écrire. Il dit par moment, vous savez, il dit que dans le froid de la Colima, on ne se souvient même plus de soi-même. Il y a cette formule extraordinaire. Donc écrire là. Mais cependant, dès que c'est possible, c'est un peu comme ce merveilleux texte Le Pain Nain, vous savez, c'est qui revient. Aliette Armel nous en parlera, je crois, dans sa chronique tout à l'heure. D'accord. Ben, je peux en dire un mot là. Oui, bien sûr. Oui. Il y a ce, donc c'est une espèce de presque d'identification à ce végétal de Sibérie. Shalamov parce que c'est un pain qui résiste à tout. Voilà, c'est un pain même s'il est tout petit. Exactement. Et Shalamov écrit 2 textes sur le pain nain. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a essentiellement 2, un poème et une prose, bien sûr. Et ce pain nain, c'est cet arbre qui se couche quand la neige arrive, qui se couche sur le sol, qui s'étale sur le sol pour se cacher, pour se protéger, et qui se redresse dès qu'on, par exemple, si on fait du feu à côté de lui. La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Claude Mouchard, tout de même, de ce que ça signifie d'écrire dans la Colima, alors que d'abord on ne peut pas lire, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de journaux, puis il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon, il n'y a rien. Cette affaire de moyens matériels d'écrire dans même situation de camp au XXe siècle, pas seulement au Goulag, ça se retrouve. Trouver un bout de papier pour écrire, par exemple, sur n'importe quoi. Bon. La violence est toujours liée, l'oppression est toujours liée avec l'impossibilité de s'exprimer par l'écrit. Oui. Notamment par l'écrit. Oui, bien sûr. Il y a d'autres textes que ce Shalamov qui mettent ça en scène de façon quelquefois bouleversante, en effet. Oui. Mais vous dites les livres sont absents. Il y a tout de même un texte de Shalamov qui est extraordinaire, c'est Marcel Proust à Colima. Mm-hmm. Hein, il a trouvé un exemplaire de Proust. C'est tout de même extraordinaire de pouvoir trouver. Il l'a trouvé, Proust. Mais il l'a perdu. Mais il a ensuite, ça, bien sûr, tout ça devient, parce qu'ensuite ça devient matériau pour des truands, etc. Vous pouvez nous raconter alors l'histoire. Oui, justement. Ah bon, non, j'ai pas lu ça là, récemment. J'ai peur de vous dire des bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que tout d'un coup, c'est Marcel Proust tout cela. Et le, c'est pas seulement que c'est pour une lecture, miracle d'une lecture, c'est que vraiment il est saisi par la prose de Proust. Il y a rien de plus qui paraisse plus exotique par rapport à la Colimard. Et il y a un contact. Et pourquoi? Et bien parce que il insiste toujours, ce qu'il écrit, c'est de la prose artistique. C'est une espèce d'oxymore incroyable. Il parle de document. On pourrait peut-être reparler de cette question du document chez Chaland. On va en parler, oui. Oui. Mais il dit document artistique. Mm-hmm. Voilà. Donc il veut joindre les deux. Et Proust, ben oui, ça jouait ce rôle pour lui brièvement, mais tout de même. Alors peut-être qu'il faut arriver à ce moment de l'émission, entendre un petit peu en quoi. Finalement, c'est ce que vous dites, hein, Claude Mouchard. On est avec Chalamov en présence d'une prose qui est immédiatement poétique, alors même qu'il s'agit d'un témoignage. Je vous propose d'écouter un extrait du texte intitulé « Le gant » où il est question de sa peau gelée, tombée de ses mains en 1943. C'est un extrait lu par Pierre-Marie Baudouin. « Je suis un crevard, un invalide patenté, voué à l'hôpital, sauvé, arraché aux griffes de la mort par les médecins. Mais je ne vois aucun bien dans cette survie. Ni pour moi, ni pour l'État. Notre échelle des valeurs a changé. Nous avons franchi les frontières du bien et du mal. Être resté en vie est peut-être un bien, peut-être pas. C'est une question que je n'ai pas tranchée à ce jour. Peut-on tenir une plume avec un gant pareil, qui devrait être conservé dans le formol ou l'alcool d'un musée et qui repose dans la glace anonyme? Un gant qui, en 36 ans, était devenu part de ma chair, part et symbole de mon âme. Tout s'est terminé sans trop de dommages, et la peau s'est reformée. Les muscles se sont reconstitués sur le squelette. Les os, déformés par l'ostéomyélite due aux gelures, ont juste un peu souffert. Apparemment, même l'âme a repoussé autour de ces os abîmés. Même les empreintes digitales de ce gant mort sont identiques à celles du gant vivant qui, en cet instant, tient le crayon. Voilà un authentique miracle de la criminologie. Ces gants jumeaux. Mes gants appartiennent à deux êtres humains, des doubles, qui ont les mêmes empreintes digitales. Un miracle de la science. Un objet digne de réflexion pour tous les criminologues du monde, tous les philosophes, les historiens et les médecins. Mais la peau qui a repoussé, cette peau neuve, ces muscles sur mes os, ont-ils vraiment le droit d'écrire? Et s'ils le font, que ce soit les mots qu'aurait pu tracer l'autre gant, celui de la Colima, le gant du forçat à la paume calleuse entamée jusqu'au sang par la rivelaine, aux doigts crispés sur le manche de la pelle. Seulement cette main-là n'aurait pas écrit ce récit. On sent que vous admirez profondément ce texte. Oui, c'est un texte absolument caractéristique de ce qu'il y a de plus fort chez Chalamov. Oui, j'en peux l'expression, le droit d'écrire. Mm-hmm. Hein, le droit. Il y a une sorte, il y a cette dimension-là aussi, dans cette interrogation-là chez lui en permanence. Avoir le droit d'écrire ce qu'il écrit par rapport à lui-même. C'est-à-dire par rapport à lui écrivant en sortie du camp, par rapport à ce qu'il était au camp. Le gant, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Puisque d'une certaine façon, il le dit très clairement, le gant la desquamation de sa main est resté dans le gel, là-bas. Et en même temps, il a maintenant cette main avec ses mêmes empreintes digitales, grâce à laquelle il peut écrire. Rupture et continuité, il y a constamment ça chez Chalamov. C'est à la fois la rupture absolue et la continuité qu'il faut rétablir absolument. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des écrivains dont vous parlez dans Qui, si je criais, qui ont aussi subi des tortures similaires, des répressions, des violences similaires? Oui, c'est par exemple, on pourrait mentionner L'espèce humaine de Robert Antelme. Il y a une prose aussi de Robert Antelme, mais on pourrait la comparer, je l'ai pas fait moi, mais on pourrait imaginer de comparer certains traits de la prose d'Antelme à ceux de Chalamov. Antelme, mais je peux pas vous parler d'Antelme maintenant, c'est pas le moment. Si, un petit peu. Enfin. Ben non, mais quand il est sorti, vous savez, quand il a été ramené de Dachau par Dionis Mascolo chez Marguerite Duras, qui était sa femme, Antelme écrit une lettre extraordinaire à Dionis Mascolo, qui a été retrouvée tardivement par Dionis Mascolo. Et il y a aussi une question de continuité, je mentionne ça maintenant, parce qu'il y a aussi une question de continuité par rapport à l'expérience du camp et de rupture. Mmh. Et Antelme écrivant d'abord une lettre à Dionis Mascolo et Marguerite Duras, avec lesquelles il est, par lesquelles il est soigné, et repensant à sa situation à Dachau, Antelme montre que il y a un risque de flux absolu, de déversement absolu, qui sera contradictoire avec une véritable écriture. Et donc il va lui falloir regagner, par rapport à un flot qui l'envahit, il faut regagner l'économie de la prose très sobre d'Antelme, qui est à certains égards des analogies avec celle de Chalamov. C'est toute la question de comment écrire cette expérience précisément indicible. Oui. Je crois qu'on va y revenir, c'est même sans doute le sujet de cette émission. Mais d'abord, il faudrait peut-être essayer de caractériser un tout petit peu, si c'est possible, ce que sont ces récits de la Colima. Quel est leur statut? Peut-on parler de témoignages, par exemple? Faut-il parler de témoignage? Oui, on s'arrête un instant sur ce mot témoignage, si vous voulez bien, oui, parce que dans le cas de Chalamov, en effet, ça prend des caractères singuliers. Et là, j'ai deux, trois trucs à dire. Ça tombe bien, on vous écoute. Je ne sais pas si j'y arrive, mais on essaie. Bon, Chalamov parle de témoignage, de même qu'il parle de documents. Hein, il emploie beaucoup le terme de document pour parler de sa prose. Témoignage. Ça veut dire, pour Chalamov, témoigner de soi, ayant vécu ce qu'il a vécu, mais c'est aussi témoigner pour d'autres. Il y a des proses, des récits de la Colima, qui parlent non pas de Chalamov, mais d'autres concentrationnaires, d'autres prisonniers. Il y en a, j'ai pas le temps de les rechercher, mais comme ça, de mémoire, il y a une courte prose qui parle. Et là, c'est très important parce que ça caractérise quelque chose de ce que fait Chalamov. Il parle d'un autre prisonnier qui n'a pas pu remplir la tâche quotidienne exigée et qui, pour cette raison, va être exécuté. Hein? Et il est donc pris par des gardes qui vont aller l'abattre un peu plus loin. Et Chalamov, là, parle de cet autre qui n'est pas du tout lui-même, qui est très différent de lui-même, et puis qu'évidemment on n'a pas eu la même dessinée, sinon Chalamov n'aurait pas pu écrire. Mais ce qui est incroyable, c'est que Chalamov, à un instant, là où c'est parfaitement impossible, Chalamov entre dans les pensées de cet autre-là qui va être exécuté. Dans ses pensées, il écrit les pensées de très brèves, mais les pensées, l'intériorité de ce type qui va être abattu. Donc il fait œuvre d'écrivain. Il fait œuvre d'écrivain, mais par exemple, je voudrais signaler, Antelme s'interdit absolument ce genre de choses. Il y a des situations presque analogues chez Antelme où jamais on est dans l'intériorité d'un autre. Chalamov le fait, en effet. Il invente cette possibilité. Il la revendique absolument. Voilà. Alors il invente aussi la mort du grand poète aussi, voilà, Mendelstam. Je pense qu'on peut d'abord écouter justement cet extrait, puis après vous allez l'analyser pour nous, Claude Mouchard. Le poète se mourait. Ses grandes mains gonflées par la faim, aux doigts blancs, exsangles, et aux ongles sales, longs et recourbés, reposaient sur sa poitrine sans qu'il les protégeât du froid. Avant, il les cachait sous son caban, contre sa peau nue. Mais à présent, son corps ne gardait plus assez de chaleur. Ses moufles, on les lui avait volées depuis longtemps. Les vols se faisaient en plein jour, pour peu que le voleur ait du toupet. Un soleil électrique blafard, souillé par les mouches et encastré dans un treillis métallique, était fixé au plafond, très haut. La lumière tombait aux pieds du poète. Il était couché comme dans un tiroir, dans la profondeur obscure des chalits communs à deux étages, sur la rangée inférieure. De temps à autre, ses doigts bougeaient, claquaient comme des castagnettes, palpaient un bouton, une boutonnière ou un repli de son caban, époussetaient une saleté et s'immobilisaient à nouveau. Le poète se mourait depuis si longtemps qu'il avait cessé de comprendre que c'était la mort. Parfois, une idée simple et forte se frayait un chemin à travers son cerveau, douloureuse et presque palpable. Qu'on lui avait volé le pain qu'il avait mis sous sa tête. Cette idée, effroyable, le brûlait, au point qu'il était prêt à se disputer, à jurer, à se battre, à chercher, à démontrer. Mais il n'avait pas de force pour le faire. Et l'idée du pain s'effaçait. Et immédiatement, il pensait à autre chose. Il pensait qu'on devait leur faire traverser la mer, mais que le bateau était en retard, allait savoir pourquoi, et que c'était bien d'être là. Et toujours aussi légère et changeante, sa pensée se fixait sur un grand grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure. Une lecture par André Wilms. Alors, Ossip Mandelstam est mort dans un camp en Sibérie, dans un camp de transit, comme celui décrit par Varlam Chalamov, mais il n'en reste pas moins qu'ils ne se sont pas croisés et que là, on est face à une œuvre qui est une œuvre de fiction, une œuvre inventée, mais qui pourtant a tous les aspects du témoignage. Oui, c'est ce qui fait de l'écriture de témoignages chez Chalamov une singularité, véritablement, par rapport à beaucoup de témoins. Les autres ne se permettent pas ça. Rarement. Et de façon générale, les historiens, les témoins ne se permettent pas d'entrer dans les intériorités de personnages. C'est les romanciers qui se permettent ça. Chalamov se le permet absolument. En tel endroit, dans Tout ou Rien, il évoque ce texte, Chéri Brandy, et il dit que c'est aussi lui-même, de lui-même qu'il s'agit. Il s'agit de Mandelstam, mais c'est aussi de lui-même. Il s'identifie là, véritablement, à Mandelstam. Mais en même temps, moi, je vois, j'ai beaucoup lu Mandelstam, je vois que certains passages de ce magnifique texte, Chéri Brandy, pour moi, est un sommet de l'écriture de Chalamov. Il y a des passages de ce texte que je ne peux lire, sans du tout que Chalamov le dise, que je ne peux lire comme inspiré par des poèmes de Mandelstam. Je peux donner un exemple? Bien sûr. Oui. Vous voyez, je vous lis un tout petit bout, là. L'inspiration, c'est aussi la respiration. C'est-à-dire, la poésie, elle est hors de Mandelstam, elle rentre en lui, elle franchit les bords de la subjectivité de Mandelstam, elle les désagrège en quelque sorte. C'est une espèce de flux qui va et vient, comme vraiment avec un rythme marin. La poésie est hors et elle est dans. Mmh. Comme on disait autrefois que les poètes étaient hors d'eux aussi. Bon, quelque chose comme ça. Et alors, voilà, je vous lis simplement ce petit bout. Tout, c'est supposé être Mandelstam qui est mourant, qui se dit ça. Tout, l'univers tout entier était poésie. Le travail, le galop d'un cheval, une maison, un oiseau, un rocher, l'amour, toute la vie entrait facilement dans les vers et s'y installait à son aise. Et il devait en être ainsi, car la poésie, c'est le verbe. Je continue encore un tout petit peu. Mais même maintenant, les strophes venaient facilement, l'une après l'autre. Et bien qu'il ne notât plus depuis longtemps ces vers, qu'il en fût depuis longtemps incapable, les mots n'en venaient pas moins avec aisance, dans un rythme donné et à chaque fois extraordinaire. La rime était exploratrice, c'était l'instrument d'une quête aimantée des mots et des concepts. Il y a mille choses là-dedans, en deux mots. D'abord, la dernière phrase que je viens de lire, la rime était exploratrice, c'était l'instrument d'une quête aimantée des mots et des concepts. Pour Chalamov, c'est très important. C'est une formule qu'il a employée en écrivant à Pasternak. La correspondance avec Pasternak, alors même qu'il était encore à Colima, a été décisive pour lui, qui sortait juste au bord de Colima, en quelque sorte. Et il emploie cette formule, les rimes, en poésie, en vers, dans la poésie en vers, les rimes, pour lui, sont des instruments d'exploration. Il les compare même, comme il aime mal faire, aux instruments techniques qu'on utilise à Colima pour forer la pierre, le rocher. Et alors, pour explorer quoi? L'expérience de la relégation, par exemple? Exactement. Ouais. Comme si c'était de la pierre. Comme si c'était une pierre d'une dureté, un minéral. Le minéral, chez Chalamov, c'est tellement important. Et donc, le minéral a foré véritablement le minéral du souvenir ou du témoignage, de la chose dont il faut témoigner, a foré avec ces deux têtes chercheuses que sont les rimes. Mmh. Et Pasternak lui a dit ça, c'est Pasternak a admiré cette formule, lui a dit c'est comme du Pushkin. Et c'est pour cela que Chalamov permet de comprendre malgré tout, différemment évidemment d'un Solzhenitsyn qui va être davantage un historien quand même des camps, permet de comprendre autrement et peut-être selon vous plus profondément d'ailleurs ce qui s'est passé là-bas. Je ferai pas de comparaison, je serais bien incapable, mais en tout cas pour moi personnellement dans mon histoire des lectures de ces textes, c'est vrai que Chalamov a été une espèce d'éblouissement d'emblée, oui, donc que je cherche à m'expliquer. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Varlam Chalamov avec vous, Claude Mouchard. Tout à l'heure, vous avez parlé de documents. Je voudrais revenir un tout petit peu sur cette notion que vous avez déjà commencé à expliciter un petit peu, mais c'est tout de même assez compliqué, je crois, de comprendre cette notion pour Varlam Chalamov, parce que précisément, ce n'est pas le document de l'historien, mais c'est néanmoins un document. Comment est-ce que vous pouvez essayer de débrouiller un petit peu ces deux sens d'un même mot ? Oui, c'est très difficile, c'est très surprenant. Chalamov insiste beaucoup sur cette notion de document pour son écriture, pour l'enjeu de son écriture. En même temps, et c'est là ce qui nous surprend, c'est le lien à l'enjeu poétique. Les deux doivent aller ensemble. Ça fait aussi quelque chose. Mais bien sûr, il y a d'autres. On pourrait mentionner bien d'autres textes au XXe siècle, dans les horreurs du XXe siècle, bien d'autres poètes qui ont écrit de manière aussi documentaire. Il y en a. Je sais pas. On pourrait en trouver en Asie. On pourrait trouver au Japon. Mais enfin, chez Chalamov, ça prend une valeur en effet très très singulière. Encore une fois. Parce qu'il se permet des franchissements dans l'ordre de la réalité. Vous parliez tout à l'heure vous mentionniez le gant, et ce franchissement des distances qui sont gelées pourtant. C'est l'impossible. C'est véritablement, il y a une prose de l'impossible chez Chalamov. Du fantastique presque. C'est presque du fantastique au sens, en tout cas, où on s'arrache à des conditions d'impossibilité, disons, pour en faire des conditions de possibilité. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de papier, pas de crayon à la Colima. Est-ce qu'il a appris par cœur ces poèmes, est-ce qu'il les a travaillés comme ça avant de les écrire, une fois libérés? Comment est-ce que ça s'est passé? Franchement, je ne sais pas. Ouais. Cette histoire d'apprendre par cœur, il a peut-être dit des choses, mais je me souviens pas. Là. Ce qui, en tout cas, apparaît. On en parlait tout à l'heure, le pain nain. Il y a une version. Poème, il y a une version prose. Oui. Et donc, il se peut. Il y a les cahiers de la Colima et puis il y a les récits de la Colima. Exactement. Donc les cahiers, c'est la poésie et voilà. Les récits, la prose. Ouais. Voilà. Alors il se peut que le poème ait été le premier accrochage, le premier ancrage dans cette réalité dont qu'il voulait évoquer. Mais là, je ne sais pas. Parce que vous dites qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est tout de même l'écriture d'un homme libre, d'un homme qui est sorti de l'enfermement. Qu'est-ce qui vous semble relever de la liberté quand même ? Un des aspects de la liberté de Chalamov, je crois qu'il l'a défini aussi, c'est que au camp, il n'a jamais cédé. C'est là que poésie, possibilité de l'écriture et possibilité de l'écriture en poésie et en prose, c'est lié pour lui très rigoureusement à une position morale. Et combien coûteuse, hein. C'est pas du blablabla ce qui pourrait être le mien, par exemple. C'est vraiment, pour rester dans une position morale, ça coûtait très très cher, la Colima. Ne pas dénoncer. Ne jamais se laisser gagner par le système. Ça, il l'a, on peut croire qu'il l'a fait. Il l'a maintenu absolument, et c'est lié à ce droit qu'il se donne d'écrire. Et pourtant, il a vu tous les liens humains se décomposer. Exactement. Voilà. Et ben, il a essayé il est devenu par moments incapable, vous savez, de lien. Il en est devenu par moments incapable. Enfin, je parle de ses textes qui le montrent. Et puis, quand il dit que c'est le lien avec soi-même qui se rompt. Dans le froid de la Colima, on ne se souvient même plus de soi-même, dit-il. Mmh. Donc on n'a même plus de lien avec soi-même par moment. On est disjoint de soi. Mmh. Mais je crois que ce qu'il affirme n'avoir jamais fait, il l'affirme pas, il ne claironne pas ça partout, mais à certains moments il l'affirme très clairement, c'est ne pas céder, ne pas entrer dans le système de délation, dans le système de complicité avec les gardiens. Donc est-ce que ça signifie qu'il croit toujours à l'humanité, y compris au fin fond de l'horreur? Mais c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de son écriture. C'est malgré tout cela, malgré le mal absolu qu'il a vu, qu'il a vécu. Oui, il faut. Sinon, il n'y a aucune raison d'écrire. Allez, on va poursuivre cette conversation avec vous, Claude Mouchard. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Aliette Armel pour sa chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Aliette Armel, critique littéraire et romancière. Bonjour Aliette. Bonjour Mathieu. Vous avez intitulé votre chronique de cette citation de Chalamov dont on parlait à l'instant avec Claude Mouchard, « De tous les arbres du Nord, je préfère le pin nain ». Ça tombe bien. Ça tombe bien, hein. Alors, une des grandes questions que pose l'expérience des camps, c'est celle de la capacité à survivre. Et Chalamov lui-même s'est interrogé sur sa capacité à rester en vie, là où tant d'autres ne parviennent pas à mobiliser suffisamment d'énergie pour survivre. Il a évoqué sa force vitale, physique, mais aussi mentale. Alors, il a fait une expérience, il a mis sa capacité à se suicider, à se mutiler à l'épreuve. Et il a constaté alors qu'une sorte d'instinct a provoqué le mouvement de retrait de sa jambe à l'instant où elle a broyé un rocher qu'il avait lui-même volontairement placé de telle manière qu'il écrase sa jambe. Cette force vitale, c'est aussi la persistance d'un regard qui refuse de s'éteindre alors que tant d'autres autour de lui se replient sur eux-mêmes, sur leur souffrance et leur désespoir. La capacité de Chalamov à rester présent, totalement, à ceux et à ceux qui l'entourent est fascinante. Au milieu du brouillard qui envahit l'esprit de celui qui a faim et froid et qui l'a éprouvé lui-même, le fait d'avoir faim et froid pendant des mois, ça atteint le cerveau, Chalamov parvient à maintenir une certaine forme d'attention à tous les petits détails qui composent encore un quotidien et à tous les petits signes qui viennent des autres. Qu'il soit de haine, de bonté ou de subtiles émotions qui parfois survivent au milieu de ce désert effrayant sur le plan de la sensibilité et des sentiments. C'est justement cette humanité en laquelle il continue de croire. Mais il a du mal à y croire. Et parmi les êtres qui l'ont accompagné pendant ses 17 ans de traversée de ce territoire sans route ni chemin, il accorde une place inattendue à ceux qu'on désigne maintenant sous l'appellation de non-humains. Et ce ne sont pas les êtres en marge de l'humanité, comme les bourreaux ou même les victimes devenues des crevards, mais des êtres appartenant à une autre espèce et qui offrent aux humains des repères dans un milieu naturel à l'hostilité terrible et mortifère. L'homme vit par la force des mêmes principes qui font que vivent un arbre, une pierre, un chien, écrit Chalamov. Et il garde, lui, la force de voir les chevaux et la lomdesse de leur allure, la chienne Tamara qui prend soin de ses petits, et il goûte la saveur des baies, il se réjouit de l'éclat des sorbes jaunes ou des osiers changeant plusieurs fois de couleur au printemps. Mais c'est surtout des arbres dont il se sent proche, et parmi eux, le pin nain, le fameux, qu'il préfère au bouleau et au mélèze. Et comme on l'a dit, il lui consacre tout un récit, le pin nain, écrit en 1960. Il loue la sensibilité et sa souplesse, sa capacité à anticiper la survenue de la neige ou celle du dégel, à se coucher avant que la neige ne l'écrase sous son poids, mettant en péril sa résistance au point de courbure du tronc ou de ramification des branches. La nature est plus fine que l'homme dans ses sensations, écrit-il, dans la blancheur neigeuse infinie, dans l'entière désespérance, se dresse soudain le pin nain, il secoue la neige de sa ramure, se redresse de toute sa hauteur et lève vers le ciel ses aiguilles vertes, givré à peine roussi. Il entend l'appel du printemps qui ne nous est pas perceptible et lui faisant confiance, il se redresse, le premier de tous dans le nord, l'hiver est terminé. Non, il n'est pas seulement le prophète du temps, le pin nain est l'arbre de l'espoir. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Dans l'enfer de la Colima, là où les hommes apprennent à ne plus rien attendre des autres hommes, l'espoir subsiste grâce au signe qu'un autre être leur adresse, à condition, comme Chalamov, qu'ils sachent le percevoir et qu'ils acceptent que ce signe leur soit destiné. À condition aussi qu'ils ne le dévoient pas, car l'espoir comporte un danger, celui d'accepter tous les compromis, parce qu'on a l'espoir de survivre. Et ça, Chalamov le dit aussi. Mais le poète Chalamov, lui, n'a pas failli, et il a survécu. Et c'est vrai que cette attention au non-humain, Aliette Armel, est extrêmement visionnaire, parce que ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui, et qu'on n'entendait sans doute pas à l'époque où il a écrit ce texte sur le pin nain. Alors, on ne l'expliquait pas, on ne le théorisait pas, mais les poètes le vivaient. Et ça, je crois que là, ça rejoint vraiment le sujet de Claude Mouchard. C'est-à-dire que c'est aussi parce que Chalamov était poète qu'il a eu cette capacité à survivre. Claude Mouchard. Sans aucun doute. Le pin nain revient plusieurs fois chez Chalamov. Il y a cette prose magnifique. Il y a un poème. À plusieurs endroits, on le retrouve. Il y a un endroit, je ne l'ai pas sous les yeux là, c'est de mémoire que je l'évoque, mais il y a un endroit où le pin nain peut être victime d'une sorte de ruse. Si on allume un feu auprès de lui pendant le froid, il se redresse, mais là, il court des risques. Parce qu'il va être réexposé au froid. Vous voyez, donc ça dirait que c'est presque une dimension allégorique, là, des risques qui sont courus par le pin nain et qui sont aussi ceux de l'homme, évidemment. On va continuer à parler de cela avec vous, Claude Mouchard. Merci beaucoup, Aliette Armel. À bientôt. Merci aussi. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous continuons de revenir sur la littérature de Varlam Chalamov, l'auteur des récits de la Colima, dont voici une nouvelle lecture par Pierre-Marie Baudouin. Le chef de brigade m'appela. Je venais tout juste de ramener une brouette vide avec toute la technique d'un vieil habitué. Les brancards de la brouette vers le haut afin de reposer mes bras et la brouette elle-même retournée, la roue vers l'avant. Je m'approchai du chef. « C'est toi, Chalamov ?» demanda Fiodorov. Le soir même, j'étais arrêté. Je savais que je risquais à tout moment d'avoir une nouvelle peine. Je connaissais bien les traditions du camp. En 1938, l'année la plus terrible à la Colima, on fabriqua d'abord des dossiers contre ceux qui avaient de toutes petites peines, ceux dont la condamnation touchait à sa fin. On avait toujours procédé ainsi. Mais là, dans cette zone disciplinaire de Djelgala, j'étais arrivé en qualité de redétenu. Ma peine s'était terminée en janvier 1942, sans que je sois libéré. J'avais été maintenu au camp jusqu'à la fin de la guerre, comme des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Jusqu'à la fin de la guerre. Il était difficile de vivre une seule journée sans parler d'une année. Tous les maintenus faisaient désormais l'objet d'une attention particulière de la part des organes. On avait aussi essayé par tous les moyens de me coller une affaire à Arkagala, d'où l'on m'avait envoyé à Djelgala. On n'y était pas parvenu. On avait simplement obtenu mon transfert dans une zone disciplinaire, ce qui bien sûr était de mauvais augure. Mais à quoi servait de me torturer en pensant à des choses auxquelles je ne pouvais rien ? Toujours dans cette idée, Claude Mouchard, d'essayer de qualifier cette prose et cette prose poétique de Chalamov, est-ce qu'on peut parler là d'autobiographie ? Parce qu'il y a vraiment un jeu qui est très présent. Est-ce que c'est le jeu de l'autobiographie dans cet extrait, par exemple ? Oui. autobiographie, mais avec tout ce que ça comporte de paradoxal dans ce cas-là, puisque c'est une autobiographie brisée, perpétuellement brisée. Ce sont des, s'il s'agit de prose, pour laisser de côté éventuellement la poésie, s'il s'agit de prose courte, on pourrait, il faut mentionner aussi les essais de Chalamoff, hein, mais là, vous parlez des récits de la Colima. Oui, bien sûr, autobiographie, mais vous le voyez avec tout l'enjeu, c'est que comment reconstituer perpétuellement la possibilité d'une vie, la reconstituer rétrospectivement, mais en un sens aussi, vous savez, après la Colima. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a connu Chalamoff juste avant sa mort, et qui disait un poète, un poète qui s'appelait Gennady Haïgi, poète chouvache, de langue, enfin qui écrivait en russe, qui publiait en russe, mais Gennady Haïgi a été aux obsèques de Chalamoff, a prononcé un poème, et il a écrit des poèmes sur Chalamoff juste avant sa mort. Parce qu'ils se sont rencontrés alors qu'il était enfermé à la fin de sa vie dans un asile. Oui, enfin, je ne sais pas s'il était enfermé, en tout cas il était incapable de vivre seul, c'était un vieillard complètement brisé, et il était donc dans un hôpital, c'est là que Haïgi l'a connu. Je me souviens qu'Haïgi, comme je vous le disais, je l'ai connu, Haïgi m'a parlé du visage de Chalamoff. Il disait, c'est un visage, là, le mot de pierre revenait, il disait, c'est un visage de pierre, véritablement. Et Chalamoff revivait, disait-il, dans ses derniers jours, il revivait vraiment la situation, dans son lit d'hôpital, il revivait les situations de la Colima, véritablement. Donc il y a ce jeu, quand il dit, on l'a entendu dans l'extrait, c'est toi Chalamoff. Le récit, c'est mon procès. Donc il y a ce jeu qui est quand même très présent, très très là, et en même temps, il y a sans cesse des doubles de Chalamoff qui sont là pour le coup transposés dans d'autres personnages. Donc il est un petit peu partout. Oui. Prenez le texte sur Mandelstam, Chéri Brandy, dont on a lu, on a entendu un extrait. Eh bien, dans une de ses proses réflexives, enfin critiques, si vous voulez, Chalamoff dit mais Mandelstam dans Chéri Brandy, c'est moi. Ouais. Donc c'est l'identification totale, tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, selon vous, Claude Mouchard, dans la littérature de Chalamoff? En quoi est-ce qu'il fait une œuvre qui est une œuvre neuve? Parce que c'est aussi un écrivain, en fait, on ne cesse de le dire, ce n'est pas juste un témoin. Et donc, à ce titre-là, il s'inscrit aussi dans l'histoire de la littérature. Oui, alors d'abord, je ne sais plus quel écrivain, est-ce que c'est Chalamoff ou un autre, je ne m'en souviens plus, qui a dit, on n'avait pas à chercher des sujets, on nous en a fourni. Des sujets. L'horreur de la Colima, c'était une masse de sujets, évidemment. Donc c'est pas la recherche du sujet au sens des écrivains traditionnels. Il y a ça déjà, évidemment. Mais pour Chalamoff, je pense que c'est tout de même un de ceux qui s'est réinventé le plus radicalement par rapport à l'expérience. On n'ose même pas employer le mot d'expérience, parce que quand on dit expérience, voilà, souvent expérience dans la tradition, c'est le fait d'un sujet qui ramasse tout ça, qui synthétise tout ça dans sa mémoire, qui l'expérience, un trésor qu'est l'expérience. Là c'est une expérience qui non seulement est destructrice sur le champ, mais dès qu'on y repense encore, et comme je vous le disais dans les derniers jours de Chalamoff, elle continue à agir sur vous et à vous démolir. Oui. C'est pour ça que vous dites peut-être que les poèmes de Chalamoff sont réticents. C'est ça, le mot réticent, il fait référence à ça? Oui, je pense qu'il veut éviter le lyrisme, disons. Il veut éviter le caractère identificatoire trop facile. Il ne veut pas appeler à une lecture identificatoire et sentimentale. Mais comment est-ce qu'on doit lire ces textes-là? Comment le lecteur qui, évidemment, n'est pas allé sur ses pas, qui ne connaît pas cette expérience radicale, qui ne peut pas la connaître, comment doit-il lire ces textes? C'est vrai que, alors, non seulement ses poèmes, mais ses proses, encore une fois, pour lui, certaines de ses proses sont des poèmes. Le texte Chéri Brandy que nous avons mentionné est un immense poème pour moi, un poème sur la poésie aussi, sur la possibilité de la poésie. Comment on doit les lire? Il faut inventer nous-mêmes une position de lecteur, à la fois accepter totalement ce don qu'il nous fait incroyable au prix d'un effort de survie et ensuite d'un effort d'écriture invraisemblable, ce don qu'il nous fait de ce qui a été vécu et ne pas croire qu'on puisse s'y identifier facilement. Ce serait grotesque. Alors vous avez peut-être vu avec vos étudiants, essayez d'imaginer avec vos étudiants à qui vous avez fait lire ces textes-là, une manière de comprendre, une manière de lire. Ouais. J'imagine que ça va être intéressant d'avoir comme ça, de prime abord, les sentiments de jeunes gens à la lecture de ce texte-là. Ouais. Comment est-ce qu'ils l'ont lu, alors, eux? C'était difficile parce que il fallait en même temps tout un accompagnement historique, même si je ne suis pas historien, il fallait bien faire ce travail de situer tout cela qui pour des étudiants, des gens beaucoup plus jeunes que moi, était tout à fait exotique en un sens. Hein. Oui. Donc c'était une histoire qui était connue. Enfin, c'était déjà il y a quelques années. Hein. Mais non, pas vraiment. Vous savez, après tout, j'ai entendu à la radio il n'y avait pas longtemps qu'on interrogeait une jeune fille qui disait « Ah, la Shoah, c'était dans les années 80 ?» Alors, ben oui, on en est là. Donc non, j'ai pas beaucoup de... Alors, le moment où j'ai fait cours là-dessus, si on peut parler de cours, j'ai fait lire ces textes plutôt, eh bien, c'était il y a déjà pas mal d'années. Justement, c'était dans les années 80. Mais c'était dans les années 80 précisément, c'est vrai. Mais... non, c'était pas facile, mais oui, j'ai écrit un peu là-dessus sur cette situation d'enseignement, et je me suis permis à ce moment-là de faire quelque chose qui peut-être est critiquable. J'ai essayé d'évoquer pour moi-même, et ça me venait en parlant aux étudiants, des situations que j'avais non pas vécues, mais dont j'avais eu rapport dans ma vie antérieure, dans ma vie d'enfant, dans ma vie des situations en France, des situations de déportation, et j'ai essayé de donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai essayé de dire voilà quel rapport pour moi entre ma lecture de Chalamov et tout ce que j'ai entendu sur ces situations de déportation. Et en l'occurrence, il y avait dans la famille de votre mère, je crois, quelqu'un qui a été déporté. Oui, en deux mots, c'était un jeune paysan du Lot. C'est une femme d'où était originaire ma mère. Et ce jeune paysan a 19 ans. Il faisait de la résistance. Il y avait beaucoup de résistance dans le Lot, hein, sur les Causses et tout. Il était résistant là. Et il a été dénoncé par un Français qu'on a identifié ensuite. Et il a été arrêté à 19 ans, envoyé à Dachau, où il est mort. Voilà. Et il y a toutes sortes de circonstances atroces autour de ça, dont je ne peux pas parler. Et on lit différemment Chalamov quand on a cette histoire à l'esprit? En tout cas, je dois avouer et reconnaître que forcément j'y ai pensé, bien sûr. Pas seulement en lisant Chalamov, c'est vrai, mais vraiment en lisant Chalamov, oui. Oui. Alors avec vos étudiants, vous aviez commencé par l'étude d'un des plus beaux récits de la Kolyma, qui est La Neige, c'est d'ailleurs le premier. Oui. C'est un très court récit, ça fait juste une page. Je vous propose d'en écouter toujours une lecture par Pierre-Marie Baudouin. Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge? Un homme marche en tête, suant et jurant. Il déplace ses jambes à grand-peine, s'enlise constamment dans une neige friable, profonde. Il s'en va loin devant. Des trous noirs irréguliers jalonnent sa route. Fatigué, il s'allonge sur la neige, allume une cigarette et la fumée du gros gris s'étale en un petit nuage bleu au-dessus de la neige blanche étincelante. L'homme est reparti, mais le nuage flotte encore là où il s'était arrêté. L'air est presque immobile. C'est toujours par de belles journées qu'on trace les routes, pour que les vents ne balaient pas le labeur humain. L'homme choisit lui-même ses repères dans l'infini neigeux. Un rocher, un grand arbre, il meut son corps sur la neige comme le barreur conduit son bateau sur la rivière d'un cap à l'autre. Sur la piste étroite et trompeuse ainsi tracée, avance une rangée de 5 à 6 hommes. Il ne pose pas le pied dans les traces, mais à côté. Parvenu à un endroit fixé à l'avance, ils font demi-tour et marchent à nouveau de façon à piétiner la neige vierge, là où l'homme n'a encore jamais mis le pied. La route est tracée. À quoi pensez-vous, Claude Mouchard, en écoutant ce texte ? Texte magnifique, évidemment, et qui est vraiment alors une introduction à tout le récit de la Kolyma. Hein, c'est l'écriture même. C'est d'abord. C'est la question de la neige qui s'efface, c'est l'effacement. De la mémoire aussi, peut-être. Le risque de l'effacement. La question de marquer. La question de préserver les marques. Le risque perpétuel de l'effacement. Mais aussi, le paradoxe, que les traces s'impriment. Elles ont besoin de ce support blanc pour s'imprimer en noir. Mais ce support blanc est aussi ce qui peut les menacer, ce qui peut les effacer. Donc il y a cette tension extrême. Vous voyez, il y a toute une tradition, il y a des traditions qui comparent l'écriture à des traces sur un support blanc, et en particulier dans la neige. Ça existe depuis le Moyen-Âge, des comparaisons de ce type. Mais là, chez Chalamoff, cette comparaison se retrouve avec une effectivité supplémentaire, vu son expérience. Mais aussi, ce qui est capital dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le pluriel. C'est pas seulement un qui va marquer, c'est que d'autres, c'est un appel à d'autres, c'est ce pluriel, avec toujours la menace du réeffacement, bien sûr. C'est assez tragique, parce que ça signifie que Chalamoff écrit pour conserver la mémoire, mais que ce sont des traces qui seront, et il en a conscience, recouvertes. Chaque hiver, le travail est à refaire. Je ne crois pas qu'ils disent qu'elles seront recouvertes nécessairement. Non, mais la neige, par définition, fond, puis de nouveau il neige. Oui, mais il faut recommencer, oui. Que ce soit lui-même ou que ce soit d'autres, il faut perpétuellement recommencer. C'est ce qu'il y a dans les récits de Colima aussi, un perpétuel recommencement. Chaque texte est un recommencement. C'est pas un texte constitué de morceaux qui s'ajoutent les uns aux autres. Ça recommence à chaque fois. Et puis la neige, c'est aussi l'évocation peut-être de la beauté de ces paysages de la Colima qui sont magnifiques dans cette région de la Sibérie. Et il y a toujours chez Chalamoff à la fois l'extrême beauté quand même et en même temps l'extrême laideur. La neige, le gel, on en a parlé déjà à propos du gant, là, que tout à l'heure, tout cela peut en effet, par moments, être matière à provoquer une sorte d'éblouissement, mais c'est tout de suite très proche du mortifère. Votre texte préféré, ça reste quand même Chéri Brandy, hein, ouais. Je crois, Claude Mouchard, pourquoi ? Parce que aussi ce texte est lié à Mandelstam et que c'est la façon dont ce texte est lié. Moi j'ai envie, au fond, je l'envie aussi ce texte. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un texte où il s'agit de l'expérience de Chalamoff absolument, et même Chalamoff imaginant sa propre mort. Et en même temps, il s'agit vraiment de Mandelstam. Ça, c'est extraordinaire. Mmh. Et c'est pas par une identification niaise, c'est vraiment par la force du creusement dans l'expérience de l'agonie et de la poésie. J'ai envie de vous lire quelques lignes avec encore. Avec plaisir. Oui, parce que je vous dirai ce que ça m'évoque à ce moment-là. C'est juste après ce qu'on a entendu, je crois. Tout l'univers entier était poésie. J'ai lu ça déjà, je crois. Le travail, le galop d'un cheval, une maison, un oiseau, un rocher, etc. Bon, je continue un peu plus loin. Même maintenant, donc dans l'agonie, là c'est moi qui parle. Même maintenant, les strophes venaient facilement, l'une après l'autre. Et bien qu'il ne notât plus depuis longtemps ces vers, qu'il en fût depuis longtemps incapable, les mots n'en venaient pas moins avec aisance, dans un rythme donné et à chaque fois extraordinaire. La rime était exploratrice, c'était l'instrument d'une quête aimantée des mots et des concepts. Chaque mot était un morceau d'univers, il répondait à la rime, et l'univers entier défilait avec la rapidité d'une machine électronique. Tout criait « Prends-moi !»« Non, plutôt moi !» Il n'était pas besoin de chercher, il fallait simplement sélectionner, etc. Et là, ce passage-là, pour moi, évoque ce qui est, pour le lecteur que je suis, le plus grand poème de Mandelstam, qui s'intitule « Celui qui trouve un fer à cheval ». Et deux mots, si vous me permettez, sur ce poème magnifique, vraiment. Il y a plusieurs traductions en français, heureusement, parce que j'aime bien lire en plusieurs traductions. « Celui qui trouve un fer à cheval », c'est un des rares poèmes, c'est un long poème de plusieurs pages, c'est un des rares poèmes de Mandelstam qui ne soit pas écrit avec des rimes. Alors que la rime est tellement importante aussi pour Chalamoff. C'est un poème en vers libre et sous-titré « Fragment pindarique », comme s'il s'inspirait de la tradition majeure de la Grèce antique. Et ce texte, celui qui est tombé à faire à cheval, commence avant un poème qui commence avant lui-même, qui se précède lui-même. Il dit le début du poème, et tout d'un coup le poème commence, et c'est comme une course de chars, d'où l'allusion à la Grèce aussi, une course de chars, où toutes les déterminations du poème, tous les mots, toutes les choses qui veulent être dites, vite, se précipite, et c'est une course, et c'est la lutte. C'est exactement ça qu'on trouve chez Chalamet. C'est absolument magnifique comme communication. J'envie ça, vraiment. Vous enviez ça, vraiment? Oui, non, j'envie pas l'expérience. J'envie cette capacité qu'a Chalamet d'écrire en communication, véritablement, avec l'œuvre à laquelle il fait allusion. Merci beaucoup, Claude Mouchard. Pour aller plus loin avec vous, je conseille à nos auditeurs votre livre « Qui, si je criais, œuvre témoignage dans les tourmentes du XXe siècle » paru en 2007 aux éditions Laurence Tepper. Cette émission a été rendue possible par Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Stéphanie Vélin et Alexandre Dang. Demain, vous retrouverez la compagnie des poètes par Manu Farine, qui fait le chemin allant d'Edgar Poe et aux objectivistes américains. Vous l'entendrez, mais la poésie, c'est également tout de suite sur France Culture. Et c'est grâce à Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous avons flâné, dans les vapeurs de fête et leur lendemain qui chante, malgré les petites migraines. Nous nous sommes tant aimés, il ne faut pas nous quitter si vite. C'est l'heure où l'on essaie voir si la poésie quand même ne peut pas monter sur la table. Il y a un répertoire pour ça. Poète de la bonne chair, trouvé à la table ronde. C'est un poème de Scarron. Chanson à manger, c'est indiqué pour commencer. Quand j'ai bien faim et que je mange et que j'ai bien de quoi choisir, je ressens autant de plaisir qu'en grattant ce qui me démange. Cher ami, tu m'y fais songer, chacun fait des chansons à boire, et moi qui n'ai plus rien de bon que la mâchoire, je n'en veux faire qu'à manger. Oui ? On peut ainsi explorer ce répertoire, riche en facettes et en rimes. Gourmandise, je veux te célébrer dans une ardeur suprême, muse au baiser de miel, ô muse des gourmands. Toi de qui l'amour simple ignore les tourments, de ton urne de sucre, il coule de la crème. Oui, alors là, les convives s'extasient, mais on a envie de faire monter un autre poète sur la table. Par exemple, tiens ce poème de Gérard Noiret, Le Grand Repas. Je l'ai trouvé dans Le Grand Mangement, 35 recettes et propos de table, paru chez Obsidiane pour les 40 années d'édition. À la santé d'Henri Michaud. On l'encore cabouille et l'exgosille sur la table. On le spatchasse et le dégapille jusqu'à misaille. On le sap-sap et l'humérifie sur les flaps, on le tique et le tape, enfin on le met à cuire, sel et poivre. Le mélange gonfle, babalise, comme rouiller ses gouttes, ce sera bientôt à point, on micharde et tarteline encore, puis c'est fini, à table, l'estomac est aminci, l'intestin déroulé, mâche, mâche, mâche, dans le ciel s'enfuit la famine, beaux anthropophages qui trépignaient, on partage, on partage, on partage, et on attend l'entracte. À ce moment-là, Marc Blanchet se lève au milieu des convives, invités de la revue Obsidiane, Le Grand Mangement. Saluant Venaille, peut-être Franck Venaille, il déclare « Ce qui manque à chaque homme, à chaque saison, c'est la bonne recette de vivre. L'un se jette et se la saigne, cet autre doute, et c'est une dévoration dans sa chair, une vie durant. » Ce qui manque, c'est la recette de vivre, non les dents pour assiéger, ou le palais apaisé d'avoir connu le bon goût d'alors. Manque les éléments de la lucidité, le savoir-faire, du pas de côté, ce que l'on recueille du monde pour en faire nourriture, le sel qui éveille, l'amertume qui ne soumet pas, le sucre de l'instant. La violence se porte aux lèvres, triste bannière, on ne sait accommoder l'inconnu au vivant. Le cœur s'égare dans tout cela, à peine né, il est déjà à l'horizon, on le retrouve plus tard ou jamais, à moins qu'il ne fût sauvé, servi à table devant des bouches amicales. Propos de table, oui, poésie de bistrot, non, poésie de bonne chair. Et on n'a pas fini, là, on n'a pas fini d'infinir sur ce répertoire. Une fois remis des fêtes, on s'y remettra, mais dans le bon ordre. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes autour de Kilian Stengel.